À l'école. Scène 1. Dans le bureau de l'école. Une nouvelle élève, Marie, entre dans le bureau de l'école Michael-Jean. Elle a l'air timide. Elle reste près de la porte. Bonjour, mademoiselle. Est-ce que je peux t'aider? Oui, merci. Je suis une nouvelle élève ici. Ah, bonjour. Et bienvenue à l'école Michael-Jean. Entre, s'il te plaît. Assois-toi ici et je vais vérifier ton inscription. Je m'appelle Madame Laplante. Et toi? Je m'appelle Marie. Comment ça va aujourd'hui, Marie? Ça va. Merci, Madame. Est-ce que tu es inquiète? Oui. Un peu, peut-être. Courage. Tout va bien aller. C'est une excellente école ici et tous les enseignants et étudiants sont vraiment sympas. Nous sommes comme une grande famille. Oui, tout le monde me dit ça, mais c'est un peu difficile quand même. D'où viens-tu? Je viens d'Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Ah, c'est très intéressant ça. Je viens d'Edmundston aussi. Connais-tu la famille Laplante? Ou la famille de ma mère, les Lajoie? Drôle de coïncidence! Mon nom de famille est Lajoie! La grand-mère de mon père habite là. C'est mon arrière-grand-mère, Marie-Élisabeth. Je porte son nom. C'est absolument incroyable. Marie-Élisabeth Lajoie est ma grand-mère. Nous sommes cousines. Madame Laplante se lève et embrasse Marie. Cousine? Oui, oui, Marie. Comme je l'ai dit, ici, nous sommes comme une grande famille. Mais toi et moi, nous sommes vraiment de la même famille.